initiations et contradictions. En octobre, Faustine commence les cours de secourisme, indispensables si elle veut passer son permis de conduire un jour. Elle devrait avoir son brevet dans les 6 mois. La fournée de cette année se retrouve dans un local situé dans le vieil Antibes. L'instructeur-chef est un géant, aux cheveux gris et à la voix grave. À son arrivée, il regarde Faustine tout au fond des yeux et murmure. Quelle profondeur dans ces yeux-là! Faustine le répétera à maman qui lui répondra que c'est sûrement parce qu'elle est myope et qu'elle a les pupilles dilatées. Les cours sont vraiment très intéressants. Secourir les accidentés, donner les premiers soins, tête en bas, jambes en l'air, couvrir, panser, bander. Faustine ne s'ennuie pas une seconde. Elle s'amuse beaucoup dans les jeux de rôle quand il faut coller un emplâtre sur un mannequin ou jouer le malade elle-même. On lui a promis qu'elle apprendrait le bouche à bouche avant la fin de l'année. Elle se réjouit. Elle s'est fait des amis aussi. Une jeune participante enceinte de son premier enfant et son mari qui habite à Villeneuve-Loubet. Ils passent devant chez elle sur le chemin du cours. Désormais, ils la ramèneront après la séance. Enfin Noël, Faustine a bouclé sa valise et descend prendre l'autocar à la gare routière d'Antibes. Direction La Toussuire et les vacances de neige qu'elle s'est offertes avec ses premiers salaires. Personne ne la remarque quand elle monte dans l'autocar. Les 3 premiers rangs sont occupés par la blonde de service entourée de sa cour. Les danses de séduction vont bon train. D'autres jeunes montent à la suite de Faustine. Bientôt, tout le monde ayant répondu présent, on peut prendre le départ. La Toussuire est un petit village de Savoie, en partie bouffé par des immeubles en béton. Il est néanmoins parsemé de rares chalets assez jolis. Il possède une patinoire et un bon choix de remontées mécaniques. Les pistes sont très accessibles aux débutants, dont Faustine. Le chauffeur dépose la 40aine de participants au camp devant un grand bâtiment. Les responsables prennent le relais, distribuent pioles et literies. Faustine se retrouve dans une chambre à 3 lits superposés. Ses compagnes, qui semblent se connaître depuis toujours, ne lui manifestent aucun intérêt. Elle préfère participer aux bizutages en règle qui ont lieu du côté des garçons. On prépare la mousse à raser et les verres d'eau. Heureusement, Faustine n'a pas oublié ses livres. Elle n'a pas besoin de grand-chose de plus. Après s'être installée, elle part à la découverte. Ouré, on entend beaucoup de bruit dans la salle de jeu. Il y a un baby-foot, quelle chance! Des équipes se forment. 3 garçons veulent bien d'elle comme 4e. Elle se met côté but. Très vite, elle montre une certaine dextérité à envoyer le ballon dans le but adverse depuis sa place. L'air de ne pas y toucher, elle gagne presque à tous les coups. Qui se méfie d'une fille? Par contre, le lendemain, sur la piste de ski, c'est une autre chanson. De bonne heure, ils sont allés louer le matériel et Faustine a reçu les lattes correspondant à sa taille, plus 10 cm. Elle a aussi droit à des chaussures, dans lesquelles ses pieds deviendront rapidement des blocs de glace, ainsi qu'à 2 bâtons, on comprend. Ah, que n'est-elle restée tranquillement à savourer son livre! Enfin, tout le monde grimpe sur les hauteurs à la suite du moniteur. Pas de chance. La neige se fit désirer. On ne peut pas se servir du tire-fesse, il faut tout se farcir à la force de la cheville. En haut, on commence par apprendre le chasse-neige, très pratique pour ceux, dont Faustine, qui ont peur de la vitesse. Au bout de 2 heures de croisement et de contorsion, la fine équipe abandonne, déposant les armes au chalet. Puisque c'est ainsi, ils iront à la patinoire. Là, Faustine, qui patine depuis qu'elle sait marcher, s'amuse déjà plus, en appréciant du coin de l'œil les efforts des débutants, à grande gueule. Le reste de la soirée se passe en visite du village par petits groupes et dégustation euphorique de vin chaud dans les différents estaminets. Vers le milieu du séjour, entre 2 parties de baby-foot déchaînées, Faustine fait la connaissance du sosie de Raskolnikov, qui accepte avec condescendance qu'elle lui offre quelques verres. Astreint à l'immense mission de sauver l'humanité, le jeune pécor démontre à l'adolescent combien elle a de la chance qu'il s'intéresse à son insignifiante petite personne. Faustine réintègre sa chambrée, mi-perplexe, mi-intriguée. L'avant-dernière nuit, il neige enfin. Au matin, on peut prendre les tire-flemmes et s'arrêter à mi-pente. point trop non faux lors d'un premier essai. Faustine ne sentir pas trop mal avec ses premiers chasse-neige. Et soudain, fatigue, tout s'embrouille. Elle se mélange les pinceaux, croise les pieds, s'en mêle les bâtons, pique une sainte colère, retire finalement ses abrutis de ski dans le but de descendre plus vite. Comble des combles alors qu'elle enlève le second ski, le premier prend la poudre d'escampette droit devant. Et le moniteur qui les a tellement mis en garde contre ce risque qu'un ski lancé à toute allure pourrait décapiter le skieur qui aurait la malencontreuse idée de croiser son chemin. Faustine court derrière le fuyard, pleure, hurle aux gens de s'écarter, finit par rattraper son bien devant tous ses camarades qui hurlent de rire, la honte suprême. Dans l'autocar du retour au bercail, Raskolnikov, pas gêné, s'assied à côté de Faustine. À 13 heures, sur une aire d'autoroute, tout le monde descend se restaurer. Le jeune homme se fait gentiment offrir une partie de son repas par la damoiselle. À 14 heures, il est temps de rejoindre les autres, de reprendre la route, et c'est là que tout à coup, il se jette sur Faustine, dans un fougueux baiser, mouillé. Quel choc! Elle qui n'a connu jusqu'à présent que de chastes bisous toutes lèvres serrées, manifeste bruyamment son dégoût. Berk, berk, berk! Avant de remonter fissa dans l'autocar, sous le regard moqueur de toute la troupe. Était-ce un complot? Vivement la maison, la sécurité de ses livres et la quiétude de sa chambre. Elle ne comprend décidément rien à la mentalité des jeunes de son âge.